On va enchaîner avec le classique, traditionnel et dernier gros vent de la semaine avant de vous établir un... Ah non, c'est pas vrai, parce qu'on on a d'abord une bonne nouvelle en fait, avant tout ça. La bonne nouvelle du jour. Je m'en charge. Oui. Voilà, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a pas de partage d'écoute aujourd'hui. Donc, on va pouvoir faire traîner la radio jusqu'à ce qu'on nous dise d'arrêter. Parce qu'on fait trop de bruit dans le hall. Voilà, je pense que c'est ça qui va se passer. Donc, on a un programme assez chargé aujourd'hui avec plein de propositions. Bon, c'est sur le site internet, vous pouvez aller voir. Et je vais faire de la pub sur Instagram bientôt.